Mercredi 7 mars 2014, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et comme à l'habitude pour parler du 9e art sous diverses coutures. Et les coutures qu'on mettra de l'avant cette semaine vont du pratico-pratique à l'adolescence, ensuite vers la féminité. Tout ça en BD. Alors, le pratico-pratique, c'est la découverte de fruits exotiques à travers le bestiaire des fruits, le dernier né de l'auteur Zviane. Du côté de la pastèque, donc le bestiaire des fruits, on va en parler tout à l'heure. Également, on va avoir l'occasion de porter un regard sur l'album La vie ado de Jean-Marc Pacelli et Victor Brideau, alors des strips et un regard à travers tout ça sur l'adolescence. Et en fin d'émission, on va discuter avec Michel Giguère, notre chroniqueur qui est aussi responsable des rendez-vous de la BD. Et on profite un peu de l'occasion de la Journée internationale des femmes qui a lieu demain 8 mars. Alors pour parler de la féminité en BD, de la place des femmes en BD, alors gloire aux femmes, lectrices, créatrices et héroïnes, survol justement sur différentes auteurs et différentes séries aussi, surtout qui mettent en scène la femme au fil des albums et au fil de la production BD des dernières années. Alors voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Avec toujours également quelques regards sur l'actualité. Alors, notamment, on parle tranquillement de l'entrée du côté du marché de l'art des planches de bande dessinée. Une vente aux enchères qui a été organisée fin février, du côté de l'Europe, dans lequel les albums Tintin au pays des Soviets et les cigares du Pharaon, deux éditions originales en noir et blanc des années 30, ont été adjugés respectivement 8 500 et 8 000 € hors frais lors de cette vente aux enchères qui avait été organisée par la Banque dessinée à Bruxelles. À noter par ailleurs aussi que dans le même événement, une planche à l'encre de Chine de la série Murena, dessinée par Delaby, a été vendue, elle, 2 400 €, soit le double de son estimation. Reste signe d'un regain peut-être ou d'un maintien du marché de la BD. On a vu aussi, on en avait parlé il y a quelques semaines, de Christie's, je crois, qu'il s'était lancé aussi dans la vente de planches BD lors de ses enchères ou d'enchères spécialisées. Reste un phénomène qui va s'étendre de ce côté au-delà des réseaux sociaux sur lesquels on trouve au grand dam d'ailleurs de certains auteurs des planches autographiées et autres éléments qui sont offerts. Petite note, on en avait parlé un peu, je crois, en fin d'année dernière, ça a été confirmé tout récemment. Donc, le tribunal de commerce de Paris qui confie la reprise des éditions Emmanuel Proust à l'éditeur suisse Paquet. Alors, ça a été annoncé dans un communiqué. La société EP Emmanuel Proust EP, donc édition, dirigée par M. Proust, avait été placée en redressement judiciaire l'été dernier. Une petite maison d'édition qui faisait paraître depuis 2002 les albums de bande dessinée jeunesse et adulte. On pense au Auschwitz de Pascal Crossi qui avait reçu le prix jeunesse de l'Assemblée nationale. On pense également à quelques albums plus récents, Le Lutin et le Cordonnier de Rodriguez et Powell, Le Révérend de Le Bon et Liliane, ou encore Venise hantée de Wagner et Saitter. Ah ben voilà, maintenant, donc, le catalogue de cette petite maison sera intégré donc à celui des éditions Paquet. Et on verra s'il y aura d'autres développements de ce côté ou si on aura un maintien de la gamme EP à proprement parler. Ah ben voilà, donc pour ces petits clins d'œil. Et nous là-dessus, on s'en va en musique. La formation musicale qui nous accompagnera tout au long de cette émission, c'est Jeff Ball avec un album qui s'appelle Tiny Barbarian de Serpent Lord. Et on en écoute un premier extrait. We'll be right back. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réécouter les émissions précédentes ou aller creuser dans nos archives d'entrevues en allant faire un tour sur notre blog WordPress, lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on porte un regard sur une sortie toute récente, un bestiaire des fruits qui a été publié à La Pastèque dans leur collection Pomelo, donc des faux guides pratiques. Il y a eu la liste des choses qui existent qui avait été publiée l'automne dernier, donc 2 mg, troisième album donc de cette série, un album qui est courtoisie de Sviane qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, idée en fait de faire un bestiaire des fruits qui remonte à il y a quelques années. Donc, ça a paru d'abord en blog, en fanzine. Ça passe maintenant en format livre. Outre les motifs pécuniers que tu mentionnes dans l'album, qu'est-ce qui t'avait donné l'idée d'explorer l'univers des fruits méconnus? En fait, ça s'est pas arrivé d'un coup. C'est que quand j'étais au cégep de Saint-Laurent, j'étais dans le Saint-Laurent, donc en 2001. J'ai commencé à goûter à plein de fruits, c'est-à-dire qu'il y avait des fruits exotiques, j'en goûtais un par semaine ou à peu près, mais je faisais pas de BD dessus, c'était vraiment juste pour le fun, je faisais un peu goûter aux autres personnes aussi pour le fun. Mais c'est beaucoup d'années plus tard, quand j'ai commencé mon blog, j'ai toujours été curieuse à propos des fruits, je me suis dit, hey, ce serait comme une bonne idée de faire des chroniques à propos de ça, fait que je retournais aller en acheter ceux que j'avais goûté il y a longtemps, puis j'ai commencé à faire des chroniques là-dessus, donc ça s'est comme fait en deux temps. Et dans la dégustation du deuxième temps, est-ce que là, le cadre un peu d'évaluation, est-ce qu'il changeait, est-ce qu'il y avait un cadre de dégustation plus réfléchi peut-être, soit au niveau de l'évaluation bon subjective, mais aussi d'idées de scénario, d'idées d'histoire en lien avec la dégustation, justement? En fait, ce que je faisais souvent, quand j'ai goûté les fruits la première fois, j'avais pas de système de notation. C'était vraiment juste comme pour goûter, pour le fun. Puis en fait, je me suis juste raté des anecdotes drôles de quand j'ai goûté les fruits il y avait longtemps. Donc, en termes de scénarisation, ça a plus eu la forme des petites chroniques que je faisais sur mon blog. Je faisais des petites chroniques autobiographiques, donc c'était pas vraiment différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Tout ce que je faisais, c'était plus de l'orienter autour du fruit. Donc après ça, j'ai commencé à penser à des méthodes pour les noter, mais les notes, on les voit pas tant que ça dans la BD comme telle. Ou des fois oui, des fois non, mais c'était plus pour orienter le récit. Non, effectivement, en fait, c'est vraiment la structure blog qui en ressort beaucoup et avec parfois des éléments plus standards, plus directs, donc où tu nous parles, tu nous présentes le fruit, d'autres fois aussi dans lequel tu insères des anecdotes, des délires, des côtés plus absurdes aussi à ça. Mais j'essayais tout le temps de voir au moins une petite anecdote par fruit, parce que juste le décrire pour comme c'est quoi, c'est des stamines, c'est quoi l'allure, etc. Je trouvais ça un peu plate. Je trouvais ça vraiment plus drôle quand je pouvais dire qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai mangé le fruit pour la première fois. Puis, tu sais, les fruits, des fois, y en a que j'aime pas. C'est pas tous des fruits que j'aime. Il y en a qui sont décevants. Il y en a qui sont vraiment laits. Puis c'est aussi de décrire l'environnement dans lequel je l'ai mangé. C'est-à-dire, des fois, il y avait du monde à côté de moi qui me regardait, qui trouvait ça vraiment weird. Donc, tu sais, toutes les petites affaires croustillantes, anecdotiques, vraiment gratuites et légères, je les ai mis dans les BD, finalement. Oui, puis d'une certaine façon, dans le fond, c'est l'idée que le fruit part comme devient le prétexte à l'anecdote, devient le prétexte à quelque chose. Il y a le prétexte à une note de blog aussi, au départ. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'on apprend grand-chose sur les fruits. On apprend qu'ils existent, mais autrement, je pense que c'est plus comme pour lire mes aventures que vraiment pour savoir. C'est pas une encyclopédie, là. Vous n'allez pas apprendre grand-chose sur les fruits, mais ça aiguise la curiosité, je sais pas. Il y a beaucoup de monde après ça qui m'ont dit qu'ils avaient envie d'essayer eux autres aussi, donc c'était ça mon but premier. Oui, puis en même temps d'explorer un peu, puis de faire jaillir un peu le côté anecdotique lié à ces fruits-là. Je pense en fait à l'exemple d'un des fruits qui ressemble à un étron. Mais tu te demandes un peu comment il pourrait être vendu, ce fruit-là. C'est qu'est-ce qu'ils ont pensé au niveau marketing, là? Puis on extrapole, dans le fond, c'est un peu de joindre, de sortir un peu de la dégustation, d'aller lancer des clins d'œil, d'aller réfléchir, d'aller rigoler ou d'aller délirer, dans le fond, autour de ça. Ben, il fallait, tu sais, c'est des BD qui m'ont donné beaucoup de plaisir à faire. Donc, moi, si je ris en le faisant, tu sais, il y a des BD, je suis un peu gênée de tout ça, mais il y a des BD que j'ai relues par après et que je me suis fait rire moi-même. Mais sauf que aussi, je me rappelle le contexte dans lequel j'ai goûté, mais surtout le tamarin. Le tamarin, je pense que c'est celui qui a suscité le plus de réactions autour de moi, parce que c'est vraiment un fruit qui ressemble à une crotte. Fait que tout le monde était comme, je suis pas sûre. En tout cas, les réactions étaient très variées. Et en même temps, ben, ça permet aussi de ton côté de varier aussi la manière dont tu présentes la chose, justement en groupe avec le tamarin. Ben, on a droit à une série de visages déconfits. Dans d'autres, c'est plus intime, c'est plus monologué. Dans d'autres, tu lances des pointes à Ricardo et c'est hyperbole un peu excessive. Là. Ouais, mais j'ai pas avoir du fun, sérieusement. J'ai fait ça de manière un peu niaiseuse, je vais t'avouer. Je me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai juste fait ce que ça me tentait de faire, puis pour que ce soit le fun, point. Puis tu sais, au début, c'était pour le blog, pour que ce soit le fun. Puis ça m'a surpris un peu à quel point ça avait pogné, parce que les gens, ils m'en parlaient beaucoup. Puis même quand j'avais arrêté, des années après, les gens, ils me disaient « Ah, ce serait vraiment cool que... » continue, puis tu sais, il y avait plein de fruits sur lesquels j'avais pas fait de bébé. C'est là que j'ai décidé de faire le fanzine. Mm-hmm. Là, je me suis dit, bon, mais je vais ramasser mes affaires que j'avais mis sur Internet, je vais en faire des nouveaux. Puis là, j'ai fait le fanzine, c'était en 2011. Puis finalement, le fanzine, ça a quand même eu un gros succès. Genre, j'étais allée, mais c'était d'autopublication, j'allais emporter moi-même dans les librairies. Mais les gens redemandaient, puis je voyais qu'il y avait un enthousiasme. Mais ça me tentait pas nécessairement de continuer à faire d'autres fruits. En fait, à chaque fois que j'ai travaillé là-dessus, je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé. Comme puis là, un année à Lyon, je pense que c'est Fred de la Pastèque qui est venu me voir et qui m'a dit la première fois, hey, on aimerait vraiment ça, faire un livre avec ton fanzine. Je fais ah ben oui, tu sais, pourquoi pas? Puis en même temps, je me suis dit, tu sais, tant qu'à faire un livre, ben allons-y à fond. Donc, je vais rajouter des nouveaux fruits, je vais redessiner des pages. Donc, toutes mes anciennes pages que j'avais faites sur le blog, je les ai redessinées pour que ce soit comme, tu sais, vraiment plus uniforme, puis que je sois fière du livre, finalement. Oui, puis ça permet aussi, en fait, même dans l'histoire, même un dialogue entre toi en 2001, toi en 2006, toi en 2011, toi en 2013. Tu peux faire des références un peu dans ton expérience gustative, entre guillemets. Ouais, mais ça, c'était le côté un peu compliqué. Parce que j'essayais que ça fasse un espèce de tout cohérent, mais en même temps, c'est sûr que j'étais obligée de mettre des sauts dans le temps. Parce que, tu sais, les dégustations de fruits, ça s'est fait sur une période de 10 ans. Plus que 10 ans même, parce que les premières fois que j'en ai acheté, c'était en 2001. Puis le bestiaire des fruits est sorti chez La Pastèque en 2014. Ça veut dire que toutes mes dégustations de fruits, un moment donné, il y a des affaires que je raconte quand je suis vraiment jeune, puis ensuite quand je suis plus vieille. Fait, en tout cas, puis j'avais pas la même coupe de cheveux, mais en tout cas, peut-être que j'aurais dû comme plus uniformiser, puis faire comme si j'avais toujours le même âge. Ça aurait peut-être été moins choquant pour le lecteur. Je sais pas. C'est des questions que je me pose encore. Oui, en même temps, d'un autre côté, ça passe bien, ça apporte, j'ai l'impression, un rythme additionnel à ton récit dans les anecdotes elles-mêmes où, dans le fond, on voit un peu le regard qui passe, puis en même temps, dans certaines anecdotes aussi, je pense à celle de Gaudreau, où tu nous expliques aussi pourquoi on va goûter peut-être aux fruits une fois de temps en temps pour, pour se faire souffrir un peu plus. Ouais, mais en tout cas, je sais pas. Puis en plus, l'affaire qui est bizarre, c'est que, les fruits que j'ai goûtés en 2001, puis après ça, j'ai fait en 2006 des BD dessus pour le blog. En 2014, des fois, il y a des goûts qui ont changé. Tu sais, je parle du tamarin, puis je dis que c'est dégueulasse, mais je l'ai regoûté, puis c'est pas si dégueulasse que ça. Fait que là, je me suis demandé, est-ce que je change la BD ou je garde la même? Qu'est-ce que je fais? T'sais? Ce genre de questions-là qu'on se pose, mais c'est des questions un peu niaiseuses. Oui, donc, c'est des situations où t'aimerais peut-être être avec la Sviane de 2006 pour dire, dessine pas ça comme ça, ou peux-tu affiner ton trait un peu, ou quelque chose? Je suis pas sûre que j'aimerais côtoyer la Sviane de 2006. En tout cas, c'est juste moi. Et à travers ça aussi, je mentionne en fait ce qui est assez rigolo dans le contexte de tes sorties, mettons, des derniers mois. Tu as offert les deuxièmes chez Papa l'automne dernier, qui est dans un registre radicalement différent. Ouais. Voire en fait une antithèse, en fait, donc dans deux stylistiques. Est-ce que ça te fait une petite vacance ou une ambiance radicalement différente de tomber dans un délire comme le bestiaire après avoir fait quelque chose de plus dense comme les deuxièmes? Ben, c'est drôle parce que je revis un peu qu'est-ce que j'ai vécu en 2010-2011, parce que en 2010, j'avais sorti Apnée, puis juste après, j'avais sorti le fanzine du bestiaire des fruits. Donc encore, c'était deux œuvres qui étaient encore plus opposées, parce que au moins dans les deuxièmes, il y a une petite touche d'humour, alors que dans Apnée, il y en a zéro. Donc j'ai l'impression que plus j'avance, oui, plus je fais des choses opposées, mais que mon travail il a tendance à aller plus vers le milieu. Je vais, comme... Je fais des... En fait, c'est que... Ouais, comment je pourrais dire ça? J'ai des livres comme qui sont un peu moins drôles, entre guillemets, mais de plus en plus, j'essaie de rajouter de l'humour dedans pour essayer de trouver un juste milieu. Oui, qui te ressemble peut-être un peu plus, en fait, au bout du compte, où tu étais la somme de ces deux, je dirais pas de ces deux extrêmes-là, mais de ces deux tendances-là, si on peut dire. Oui, si on veut, mais tu sais, je vais toujours continuer à faire, à essayer de tirer dans tous les sens aussi, hein, parce que c'est quelque chose que, disons que ça me garde en forme, d'une certaine façon, parce qu'il y a tellement d'affaires que j'ai envie de faire, puis je serais incapable de me contenter de juste faire de l'humour ou juste de faire des trucs plus intimistes ou, tu sais, il y a tellement de choses auxquelles j'ai pas touché encore, j'ai pas fait de jeunesse, j'ai pas fait, là j'ai fait un livre érotique, c'est bien, je peux le barrer sur ma liste, tu sais, je veux passer à autre chose, je veux essayer de faire un album qui est plus un livre de genre, puis je vais essayer de toucher un peu à tout. Mais je serai jamais capable, mais au moins j'essaye. Et je suis tombé d'ailleurs dans cette suite-là sur une critique qui disait, et je cite, que la qualité du bestiaire des fruits et celle des deuxièmes dans des registres diamétralement opposés montrait que tu étais à l'aise dans n'importe quel registre ou presque. Ben, j'aurais tendance à... Ben, je suis flattée, premièrement. Je suis super flattée de lire ça. En même temps, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de binaire. C'est-à-dire, il n'y a pas comme d'un bord le style des deuxièmes, puis de l'autre bord le style du vestiaire. J'ai l'impression que c'est comme un espèce de gros cercle où est-ce qu'il y a vraiment plusieurs styles différents. Tu sais, je suis jamais allée, par exemple, dans le polar ou dans quelque chose de plus noir. Fait tu sais, puis je sais qu'il y a probablement là-dedans des genres dans lesquels je suis moins à l'aise. Fait que de dire que je serais à l'aise dans tous les genres, je serais pas prête à dire ça encore, là. Mais t'as le temps de tester. T'as le temps de tester. Oh ouais, j'ai le temps en masse. Mais j'ai le temps en masse. Je sais pas si j'ai le temps en masse. En tout cas, a priori, j'ai le temps en masse. C'est ça. Selon les statistiques sociales générales dans notre société, t'as le temps en masse. Exactement. Et parallèlement, j'ai l'impression si on regarde le bestiaire, le fait de te mettre en scène ou de mettre un avatar de toi-même en scène, ça permet aussi bon de passer par le monologue, puis d'aller tirer aussi dans la richesse des expressions, dans la richesse des actions aussi pour jouer un peu avec ça, voire même éventuellement exploiter le visuel pour remplacer les mots à un certain point là, quand le fruit goûte particulièrement mauvais ou particulièrement bon entre autres. Là. Oui, je vois à quoi tu fais référence. C'est quoi ta question? En fait, c'est juste par rapport au fait de me dessiner moi-même. Oui, puis en fait, ou au potentiel peut-être aussi des expressions puis du visuel pour remplacer justement à terme dans un truc comme ça les mots ou comme tu le dis toi-même dans le livre, à un moment donné, quand il n'y a plus de mots, au moins il y a les images, ouais. Puis on n'a plus besoin de rien dire non plus. Ben, tu sais, c'est une des raisons aussi pourquoi je fais de la BD puis je fais pas, par exemple, du roman. Ben, il y a plusieurs raisons pourquoi je fais pas du roman. J'ai pas une belle plume, je pourrais décrire comme du monde. Mais en même temps, je suis pas quelqu'un de vraiment visuel, fait que j'ai l'impression que je serais quand même plus à l'aise à faire du roman qu'à faire de la BD, mais le problème avec le roman, c'est qu'on est obligé de tout écrire. Puis, il y a tellement d'informations qui passent quand on n'écrit rien. Tu sais, c'est comme les deuxièmes, on n'arrête pas de dire, ou dans la tenue, on n'arrête pas de dire qu'il y a plein de silences, des affaires de même. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui passent par le dessin. Puis, c'est une des raisons pourquoi j'aime vraiment ça, faire de la BD. Il y a tellement comme de potentiel, je sais pas comment dire. Ça me plaît. C'est le fun de faire la BD. C'est de la BD, c'est vraiment cool. Et si on part de ton expérience du bestiaire des fruits, Sviane, quel serait ton fruit préféré, ton pire fruit? Tiens, commençons avec le négatif. Ton pire fruit et pourquoi? Le pire fruit? Oui. Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Est-ce que c'est pour que ce soit juste des fruits exotiques? Ouais, tu peux élargir aussi. Enfin, on peut en découvrir sur toi également. Le pire fruit, le raisin sec. Ah oui? J'ai une phobie du raisin sec parce que quand j'étais petite, j'avais lu à quelque part que c'est super facile de s'étouffer avec, puis que quand tu t'étouffais avec, ça gonflait. Et puis là, je suis vraiment traumatisée, puis je mange des raisins secs avec parcimonie. Donc ça n'a même pas rapport avec le goût, c'est vraiment genre une peur irrationnelle. Et ton meilleur? Mon meilleur, ça reste la grenadille. Sérieusement, c'est celui qui a la meilleure note dans le livre. Je le spoil un peu, mais c'est pas vraiment grave. La grenadille, j'en ai goûté même quand j'étais sur place en Colombie, parce que c'est anti grenadille qu'on achète à Montréal viennent de Colombie. Puis j'ai découvert qu'en plus, cette variété-là a un petit goût de lavande. en plus de la texture qui était vraiment cool, avec l'apparence qui était vraiment cool. Puis c'est tellement bon comme fruit. Manger des grenadilles, sérieusement, c'est vraiment bon. C'est dans la même famille que les fruits de la passion. Et on découvre l'argumentaire complet dans Le bestiaire des fruits aux éditions La Pastèque. Eziane, en terminant, tu disais, est-ce qu'on pense éventuellement à un bestiaire des fruits volume 2 ou à un bestiaire des légumes? J'y ai pensé, mais une chose à la fois, là, j'ai trop de projets qui sont comme juste sur la table, mais c'est sûr que ça me trotte dans l'esprit. Eziane, merci beaucoup. Ben, merci à toi. À la prochaine. À la prochaine, bye. Bye bye. Alors voilà, c'était Sviane, donc qui vient d'offrir Le bestiaire des fruits. C'est dans la collection Pomelo des éditions La Pastèque. Raymond Poirier toujours avec vous ici sur les ondes du 89.1 CKRL et quelques regards sur des sorties récentes ou peut-être un peu moins récentes. On est perpétuellement ici à la VMBD entre actualité et rattrapage. Et en fait, je voulais dire quelques mots tout d'abord peut-être sur le guide du Mauvais Père volume 2, donc Guy Delisle qui nous a offert tout récemment donc le deuxième tome de cette série de ce guide avec 16 petites nouvelles historiettes incorrectes qui viennent illustrer la difficulté d'être un père exemplaire ou qui permettent peut-être au père de le devenir. Alors, un peu dans la veine du premier, même si c'est dans la suite directe. Alors, on poursuit avec Guy Delisle qui nous montre un peu de quelle manière il peut transcender certaines règles et certains tabous. Notamment, en fait, je vous donne deux exemples. Un où il apprend que son épouse ne peut pas être sur place à la maison pour accompagner le repas des enfants. Alors, les enfants sont tristes d'être pris avec seulement leur père pour le dîner. Alors, lui dit, regardez, on va pouvoir regarder la télé en mangeant. Alors, les enfants font la fête. Alors là, il rajoute une donne, il rajoute un autre truc pour que éventuellement, au terme de toutes ces règles qui sont mises de côté, ben les enfants disent « Ah ben t'es le meilleur papa du monde, t'es un papa extraordinaire » et le reste, donc d'aller chercher du mérite ou une autre histoire où il explique à son garçon qui est plus vieux que sa petite fille, alors pourquoi à l'hôtel où il loge, il doit dormir sur le lit près de la porte et là il se met à lui dire « Ben regarde, s'il y a quelqu'un qui arrive pour vous tuer, ben c'est toi qu'il faut qu'il défende, puis tu vas prendre le premier coup de couteau, mais après ça peut-être que ta sœur va survivre, etc. etc. » Alors c'est ce genre d'historiettes qui sont offerte. Si vous aviez aimé le premier tome du Guide du Mauvais Père, eh bien, c'est certain que vous allez apprécier la suite dans le deuxième. Donc, on reste dans le même ton, on reste dans le même registre et on reste aussi, peut-être un peu malheureusement, dans la même durée de lecture. Donc, c'est quelque chose qui se lit, qui se consomme très, très vite. D'un côté, parce que c'est rigolo, de l'autre côté, parce que ça reste quand même très court. Mais bon, c'est dans un format poche, c'est vendu à un prix format poche aussi. Donc, ceci vient justifier peut-être un peu cela. Donc c'est des histoires sympathiques avec un dessin dépouillé, proche du croquis, proche aussi de ce qu'il offre justement dans ses livres de voyage. Donc on reconnaît toujours l'univers de Delisle. On reconnaît donc aussi pour ceux qui ont des enfants, des anecdotes ou des pensées qu'on peut avoir par moment. C'est dans la veine aussi, justement des histoires de parents indignes et le reste. Alors bon, ça reste solide. Évidemment, ça vient pas réinventer le genre non plus. Donc attendez-vous pas à avoir du nouveau avec le Guide du Mauvais Père versus l'ensemble des récits de parents qu'on voit en BD, mais ça reste un récit de parents bien fait. Alors ça, c'est Guide du mauvais père, volume 2, c'est chez Delcourt, c'est de Guy Delisle. Et ben, puisqu'on est dans les guides, petite mention au passage, on parlait tout à l'heure du bestiaire des fruits de Zviane, il y a eu aussi la liste des choses qui existent de Caton, et un troisième album, donc dans la collection Pomelo, chez La Pastèque, qui approfondit, lui... l'action d'arrêter de fumer et la geste qui l'accompagne, c'est de Benjamin Adam, ça s'appelle 2 mg. Donc c'est un blog qui avait été produit par Adam dans le passé, qui a été ensuite réactualisé donc pour cette sortie. Alors, un blog, somme toute assez sympathique, où on suit l'auteur, justement, dans ses tentatives d'arrêter de fumer, des tentatives qui ne sont pas toujours heureuses non plus. Évidemment, n'arrête pas qui veut, n'arrête pas du premier coup qui veut. Alors, on va dans des réflexions plus pratico-pratiques sur la nicorette et les autres gommes pour aider à arrêter de fumer, à quel point l'apparence est pas toujours bonne, à quel point le goût est pas toujours bon, à quel point, si on lit les ingrédients ou les notices sur la boîte, ben, ça peut effrayer un brin. On parle aussi du défi d'être dans des soirées avec des gens qui fument, de boire et de ne pas fumer, donc du fait que la cigarette s'infiltre dans une pléiade d'activités et devient de manière presque insidieuse peut-être un compagnon constant pour le fumeur, sans facilement qu'on s'en rende compte, ou finalement dans des situations où on s'en rend compte seulement après coup, finalement en tentant d'arrêter, à quel point la cigarette était omniprésente dans nos existences. Alors, c'est des anecdotes comme ça, parfois on tombe dans des trucs un peu plus oniriques, parfois dans des trucs plus pratico-pratiques, parfois dans des trucs très très impressionnistes et personnels. Un genre de récit qui, j'en suis certain, va rejoindre quand même assez aisément ceux qui, justement, ont déjà fumé et ont arrêté, ceux qui ont essayé d'arrêter, plus que ceux qui sont restés peut-être extérieurs à l'univers de la cigarette. Donc, ça a une résonance évidemment très différente entre l'un et l'autre. Au niveau dessin, ça reste du blog, ça reste du croquis, donc c'est un dessin qui est quand même relativement simple. Un récit qui est globalement sympathique, qui, même d'ailleurs, de l'aveu même de l'auteur dans le récit, ne réinvente pas la roue non plus, même sur les livres et les récits et les BD qui s'intéressent à la question de la cigarette. Le principal reproche que je ferais à ça, puisque ça reste quelque chose d'assez sympathique, quoique très léger, c'est la mise en page. En fait, habituellement, La Pastèque réussit assez bien côté mise en page et mise en valeur des albums, mais sur 2 mg, je dois dire, ils l'ont échappé. C'est un album qui est difficile à lire. Il faut être concentré, il faut être dans des bonnes conditions lumineuses. C'est très, très petit. Donc, on a fait la décision, en fait, de le mettre sur du 11-17 ou quelque chose du genre, plutôt que de séparer peut-être et de grossir les cases. Donc ça rend l'expérience peut-être un peu plus ardue. Je vous dirais, si vous avez l'occasion de le feuilleter, vous allez voir pour vous-même. Là, je me lancerai pas dans le détail là-dessus, mais disons que sur la mise en page, on aurait pu faire beaucoup mieux à mon sens, surtout considérant le reste de la bibliothèque de La Pastèque. Mais outre ça, donc ça reste un récit léger et sympathique autour justement de la geste et du défi d'arrêter de fumer. Ça s'appelle 2 mg, c'est de Benjamin Adam et c'est à La Pastèque. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Pour souligner la Journée internationale de la femme, le Cercle propose ce samedi 8 mars la soirée Rouge Mars, divisée en trois moments de partage, mettant en lumière la créativité et l'énergie débordante du féminin. En 6 à 8, Vidéo Femmes nous propose de découvrir 8 courts-métrages de fiction réalisés par des femmes pleines de talent. Ensuite, dès 20h30, la fête se poursuit avec une joute d'improvisation musicale réunissant 4 musiciennes de différents horizons. Le climax de fin de veillée au sous-sol est assuré par un duo d'enfer de DJ avec DJ ZZ et DJ Mambo à partir de 22h30 avec une proposition Frenchy Jazzy Swing inspirée des soirées 7 extra du La Tulipe à Montréal. 12$ à la porte et 10$ membres de Vidéo Femmes. Information cercle.com. Du 18 janvier au 15 mars, le diffuseur d'événements cinéma et vidéo Antitube présente Panorama des cinémas du présent 3. Au menu, une sélection de films contemporains, d'ici et d'ailleurs, réinventant les formes cinématographiques d'avant-garde et souvent inédits à Québec. Les projections auront lieu les samedis à l'auditorium Roland Arpin du Musée de la Civilisation, au Studio P et au Complexe Le Cercle. Pour de plus amples informations et pour découvrir la programmation complète, visitez antitube.ca. Depuis 1995, Antitube présente le meilleur du cinéma à Québec. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 10 mars à 19h30, alors que les Bleus affrontent les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Spécial Arts visuels. Le magazine culturel Bazar s'intéresse au monde des collectionneurs. Dans son tout nouveau numéro, allez-vous aussi à la rencontre du marché de l'art actuel à Québec. Bazar, c'est la vitrine sur les arts et la culture, disponible gratuitement dans plus de 250 commerces et organismes culturels d'ici. Pour info, bazar.qc.ca. CKRL. 89. Tout juste avant 100% dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. En vous rappelant que vous pouvez toujours nous trouver également sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Et maintenant, on va porter un regard sur un album qui est apparu l'automne dernier. Alors, on est un peu en mode rattrapage sur celui-là. C'est chez Première Ligne. C'est un album de Victor Brideau au dessin, de Jean-Marc Pacelli au scénario. Ça s'appelle La Vie ado. Et pour en parler, on est en compagnie du scénariste qui est au bout du fil, Jean-Marc Pacelli. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et en fait, il faut que je commence l'entrevue par un mot de félicitation, en fait, puisque on te prend au détour d'une chambre d'hôpital, t'as accueilli dans ta vie de famille une petite fille hier. Oui, le 5 mars, donc 2 jours, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais félicitations, nouveau papa. Merci beaucoup. Et en fait, justement, peut-être qu'un album comme La Vie ado va venir te préparer pour dans une quinzaine d'années avec la vie de famille à venir, qui sait. J'espère que non, parce qu'on va se dire, La Vie ado, c'est surtout des mésaventures, quoique c'est rien de dramatique là, mais si je peux m'en sauver, je m'en plaindrai pas. et d'ailleurs, Jean-Marc, qu'est-ce qui t'avait amené avec Victor Brideau à t'intéresser à l'univers de l'adolescence et des parents des adolescents? Honnêtement, c'est un coup de chance. C'est Christian Kennett, en 2010, qui nous avait approché pour faire des strips sur le site web de Première Ligne. C'était un mandat de 26 strips, donc 26 semaines. Et il voulait quelque chose de court. Et nous, de notre côté, on s'est dit on va y aller avec l'humour. Et on développait quelque chose. On savait pas trop quoi, mais ça touchait avec un adolescent comme personnage principal, un peu punk. Donc, on s'est dit, tant qu'avoir une plateforme pour le diffuser, on va se tourner vers ça. Donc, on l'a adapté version strip, et c'est comme ça que c'est venu au monde, si on veut. Oui, puis après ça, ça a passé quand même pas mal de formats. En fait, c'est le web, comme tu disais, après ça, le magazine avec des lires, et maintenant en format livre. Donc, vous avez pu expérimenter pas mal de formats avec ça. Oui, ça a eu 3 vies, si on veut, la vie ado. La première, vu que ça vient de ce strip, sur Première Ligne, on s'est permis plusieurs différentes choses. Des fois, c'est en noir et blanc. Des fois, c'était plus crayonné. Donc, c'est plus expérimental. Là, on a fait le ménage, évidemment, pour l'album, vu qu'on voulait que ça soit le côté visuel soit plus standardisé. Là. Mais ça a vraiment passé à travers une gamme d'émotions. Et avec beaucoup de matériel nouveau pour l'album aussi. En fait, je pense sur 135 tri-strips, il y en a à peu près quoi, 120 qui sont 100% nouveaux? Oui, quelque chose comme ça. Justement, vu que ça détonnait un peu là, les premières, on les a tout de suite mises de côté. Après ça, on a décidé d'en créer plus parce qu'évidemment, Délire, c'est publié 6 fois par année, je crois. Donc, ça prend un peu de temps avant d'établir des bonnes archives à reprendre. Donc, on a fait beaucoup de strips originales. Et justement, est-ce que tu en as fait à la limite plus que les 135 pour pouvoir faire une sélection, pour aller creuser, aller sonder ton entourage des lecteurs potentiels? Oui, en fait, on en a fait 180. Mm-hmm. Au total, là, si on compte certaines qu'on reprenait, qui avaient déjà été publiées. Donc, après ça, on a retranché là, selon certaines personnes qu'on consultait et selon nos propres préférences aussi. Oui, ça permet d'avoir un recul, un peu de voir le travail dans un autre contexte, ou peut-être d'avoir des opinions, puis qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, alors qu'on pensait peut-être que ça marchait mieux, etc. Ouais, souvent, on se fait dire, je la comprends pas, celle-là, puis on se dit, c'est tellement évident, comment ça, tu la comprends pas, mais finalement, c'est eux qui ont raison, donc on... Des fois, ça nous fait mal au cœur, mais on est obligé de les enlever ou de les retravailler. Donc, ça fait juste améliorer le produit final. Et en même temps, à travers ça, c'est toujours aussi, j'ai l'impression, le défi du strip, c'est... En fait, de l'extérieur, j'ai toujours l'impression que ça paraît pas nécessairement, quand on lit, mais que c'est une gymnastique de réussir à faire quelque chose qui se tient en trois cases, qui punch, qui roule. Moi, je crois que c'est encore plus difficile quand on est deux, parce qu'il faut que les deux, on s'entend sur qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer comme blague. Je lis les peanuts, que c'est juste une personne qui le fait. Je trouve ça incroyable d'avoir fait ça pendant autant d'années. Juste une personne. Mais après, je me dis, après en avoir fait juste 180 à deux, j'ai trouvé que c'était très difficile, donc je me verrais pas faire ça pendant 50 ans. Mais ouais, c'est ça. C'est pas évident. Oui, parce que j'imagine, en fait, c'est trouver l'adéquation, comme tu disais, entre le dessin, entre l'écrit, mais de s'assurer que vous comprenez le même gag, dans le fond, que vous voyez le même gag dans la situation que tu proposes ou dans la situation que Victor Brideau dessine. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on se rencontrait assez fréquemment. Moi, j'apportais mes textes. Là, Victor, il faisait des esquisses très rapides d'un découpage. Là, on essaie de placer les personnages. Moi, je le vois plus comme ça. Là, il me disait, ce serait peut-être plus drôle si on fait ça. Donc, on essaie de s'entendre pour que le produit final... sont meilleurs. Des fois, ils me surprenaient là, qu'ils revenaient à quelque chose de complètement différent de sur quoi on s'était entendu, mais c'était toujours pour le mieux, donc je peux pas me plaindre. Et de ton côté, dans la construction du gag, de quelle manière tu pars? Est-ce qu'on part pour le punch, puis on essaie de composer à partir de là? Est-ce qu'on part avec une situation qu'on essaie de développer? Oui, souvent, c'est la dernière cause que je trouve, donc le gag en tant que tel. Et ensuite, j'essaie de trouver les deux premières, donc les deux ou trois répliques là, qui vont mener à la blague. En même temps, j'imagine que ça facilite aussi pour pas justement finir toujours avec le même punch, de varier, parce que sur 135 strips, il faut avoir de la variété, faut pas avoir de redites non plus. Là. Non, c'est ça. Il y a parfois des fois, j'allais avec un thème, par exemple, j'ai fait des élections à l'école. Donc, y a quelques cases ou quelques strips plutôt là-dessus, mais évidemment, c'est le temps différent, donc c'est toujours, il faut toujours renouveler, là, aller ailleurs. Des fois, il y a peut-être des gags qui reviennent, mais présentés de façon différente, faire quelque chose de plus original aussi, là, pour pas justement qu'il y ait des reprises ou des redites. Oui, puis en même temps, ça permet de varier le ton, parce qu'il y a des trucs qui sont très légers, il y en a d'autres, ben, l'exemple des élections scolaires, par exemple, où il y a un peu plus de commentaires aussi là-dedans, il y a un autre niveau, peut-être, je dirais, plus philosophique ou plus analytique, etc. Donc, ça permet un équilibre aussi pour le lecteur entre les différents strips. Oui, c'est ça, j'essaie de trouver un équilibre entre critiquer les adolescents et les réseaux sociaux, tout en insérant des jokes de grosses culottes de grand-mère. Et dans ça aussi, t'as choisi de mettre en scène un adolescent qui est plus du côté des nerds que du côté des sportifs. Pourquoi t'as été vers cet archétype-là spécifiquement au départ? Je vais dire que c'est un hasard, parce que comme je disais au début, on voulait quelque chose, quelqu'un de plus rebelle. C'est pour ça qu'il y a un look un petit peu punk. Donc on s'alignait pas sur quelqu'un de nerd ou quoi que ce soit, mais c'est avec le temps, en développant différentes blagues, c'est plus vers ça qu'on se dirigeait. Donc, au lieu d'essayer d'aller à contre-courant, on a juste accepté là, que ça serait ça son univers. Oui, donc c'est que le moteur fonctionnait mieux quand on allait de ce côté-là, tout simplement. Oui, absolument. Et parallèlement, donc, est-ce que tu t'inspires aussi dans les anecdotes de ton adolescence, de celles des gens de ton entourage, où on va chercher justement des idées de situation à travers ça? Oui, un petit peu aussi des journaux comme les élections ou la grève étudiante. Donc, quand ça se passait, ça m'inspirait. Sinon, mon adolescence a été assez tranquille. Donc, je veux dire que je m'inspire plus de celle des autres que de la mienne. Et après ça, ben, il s'agit de noter, j'imagine, de voir, de faire aller la machine à idées pour réussir à s'alimenter efficacement. C'est ça, exactement. Oui, parce que tout ça est développé aussi dans un temps quand même assez restreint. Donc, il faut être drôle vite, efficacement et régulièrement. Exact. Les premières, vu que c'était plus à se passer, par exemple, celle de délire, on a plus le temps d'y penser, mais là, pour le lit, il fallait en créer 120 en à peu près, je dirais, 16 ou 18 mois. Donc, il fallait produire plus. Je sais qu'il qu'il y en a que peut-être eux, ils en produisent une par jour là, dans les journaux, donc 120 en un an et demi, c'est pas grand-chose, là, mais pour nous autres, c'était assez rock'n'roll. Et est-ce que c'est le genre de récit pour lesquels justement t'aimerais qu'il y ait des suites, de faire d'autres transitions vers d'autres médiums, journaux et autres, ou de revenir un peu sur l'univers de cet adolescent-là, ou que ça reste une première expérience que vous partagez avec le lecteur? Ben ça reste à voir s'il va y avoir des suites. Moi, évidemment, je suis toujours ouvert. Délire, à ma connaissance, on poursuit avec eux. Mm-hmm. Pour d'autres albums, on verra. Moi, j'ai été très chanceux. Là, en 2 ans, j'ai publié 2 albums avec Première Ligne. Le premier album étant Tabéda en 9 étapes. Donc, on verra là si on me donne l'occasion de revenir dans un futur plus ou moins rapproché. Puis en même temps, ça fait 2 albums dans des registres assez distincts. En fait, dans un registre plus pédagogique, dans un registre plus humoristique aussi. Là. Oui, il faut faire de la variété. Et donc, je le rappelle, en fait, La vie ado est disponible depuis l'automne dernier. C'est chez Première Ligne. C'est de Jean-Marc Pacelli et Victor Brideau. Et Jean-Marc, je te laisse retourner à ta nouvelle petite famille. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, c'était Jean-Marc Pacelli. Donc, je le répète, scénariste de La vie ado, disponible chez Première Ligne. Alors voilà le dernier extrait de l'émission de cette formation, donc Jeff Ball avec leur album Tiny Barbarian, The Serpent Lord, des albums que vous pouvez trouver sur Bandcamp. Et ben, comme à l'habitude, on porte un regard vers l'avenir une fois par mois et on met la table vers la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD qui aura lieu mercredi prochain sous le thème « Gloire aux femmes, les lectrices, les créatrices et les héroïnes ». Et un peu peut-être, on imagine, pas nécessairement par hasard puisque la Journée internationale de la femme a lieu demain, samedi. Et ben, pour discuter, pour mettre la table vers cette rencontre, on est en compagnie de son animateur et recherchiste, Michel Giguère, bonjour. Salut Raymond Poirier. Ça va bien? C'est un hasard total. C'est un hasard total, un bel hasard quand même. Oui, mais je me suis rendu compte après coup, mais je trouve qu'il y a une exagération autour des journées de ci, de ça. Là. C'est un peu la folie. Là. Alors, on dirait que les 365 jours de l'année servent à peu près 1000 thèmes. Là. Fait que non, je m'étais pas aligné là-dessus, mais ça tombe plutôt bien. Mais quand ça donne, on peut prétendre. Voilà. Et justement, en fait, l'auditeur qui nous suit régulièrement ici à La Vie en BD va remarquer que c'est un thème qu'on avait déjà exploré un peu, mais j'imagine aussi que si on revient avec ce thème-là une deuxième fois, c'est parce qu'il y a de quoi dire, il y a beaucoup, beaucoup de matière autour de la femme et de la bande dessinée. Ben oui, c'est que les habitués qui viennent régulièrement savent que je me fais, à l'occasion, piéger par la richesse des thèmes. C'est que c'est un piège plutôt agréable. Là. C'est un problème. Là. Entre deux problèmes, je préfère celui-là. Là. Fait que même si des fois je choisis des thèmes que j'imagine être un petit peu étroits, un petit peu minces, ben je me rends compte que finalement il y a plein de matériel. Alors tout ça pour dire qu'on n'a pas eu suffisamment d'une rencontre, loin de là. Alors en fait, si cette fois-ci ça coïncide avec presque avec la Journée de la femme. très bien. L'automne dernier, c'était dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres, qui était autour de Gabriel Roy et l'imaginaire des femmes. Et cette fois-là, on avait parlé des lectrices, un petit peu le profil puis l'évolution du lectorat féminin des dernières décennies. On avait parlé des pionnières, tant les héroïnes que les BDistes, les créatrices là, qui étaient là déjà à une époque où elle n'était pas légion, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas tant de femmes que ça, et dans les créatrices et dans les personnages. Et finalement, on avait fini avec les héroïnes à travers l'histoire. Et puis, cette fois-ci, ben là, on va être beaucoup plus contemporain avec toute la relève aussi, là. Donc, il va être question, mercredi prochain, de l'enfance, donc les flounes, l'adolescence, la romance, les sujets délicats, et on va finir la soirée avec les grandes passionnées. Donc, dans l'enfance, on imagine évidemment en fait les personnages enfants qu'on met en scène au fil des albums, et de quelle manière on les met en scène? Oui, puis comment ça a pu évoluer, comment telle héroïne qui apparaît se distingue des autres avant, soit dans la forme, soit dans sa personnalité. Fait que c'est toujours intéressant de les mettre en parallèle, de les regrouper puis de les regarder en paquet, si tu veux, là. Alors, par exemple, pour l'enfance, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, je vais ouvrir la soirée avec Mafalda, qui est une petite fille qui, quand même, célèbre cette année ses 50 ans. Mm-hmm. Et il va y avoir du côté québécois Béatrice de Philippe Girard, la fille indigne de Caroline Allard avec Francis Desharnais au dessin. Et puis du côté, en parlant de parallèle, du côté Europe de l'Est, il va avoir Paulina, la petite danseuse qu'on voit vieillir au fil de l'album de Bastien Vivès. Et il va y avoir aussi Marzi, la petite polonaise exilée. Alors, ça, c'est pour les petites filles. Puis quand ils vieillissent, ensuite, on va se pencher sur l'adolescence. Et là, ben, il y en a plein. On pense évidemment à Agrippine de la chère Claire Bretéché qui est là depuis très longtemps, qui a été une des premières. Mais aussi, côté québécois, ben, il y a les Nombris, il y a Michel Falardeau qui a mis en scène les adolescents et l'adolescence avec une fraîcheur puis une justesse assez étonnante, à croire qu'il est resté lui-même un éternel adolescent. Et puis, il va y avoir Lou, la série Lou, qui connaît un succès. Moi, je fais toujours un petit peu des sondages là, dans les écoles auprès des groupes de jeunes, et puis c'est sûr que les jeunes, la génération actuelle, lisent beaucoup de mangas. Eh bien, la série Lou, c'est vraiment une série franco-belge qui continue de percer, puis d'aller chercher un lectorat, puis qui plaît beaucoup. Et puis, du côté africain, Aya de Yopougon, qui est une super belle série. Le triptyque de Vanida, celle que je suis, celle que je voudrais être, etc. Et puis même du côté, peut-être, parce qu'il y a des BD d'action aussi, il y a le personnage de Navis dans la série Sillage, là, qui est un beau personnage très fort, là. Oui, ce que j'ai l'impression, en fait, dans la liste que tu me donnes, il y a un peu deux types d'esprit d'ambiance. En fait, il y a soit les séries plus à gag, humoristiques, il y a les séries peut-être un peu plus dramatiques, les séries où on voit le personnage évoluer, changer, transformer, donc des séries de passage des âges, passage des années. Mais tout se peut. Et puis, comme la série Lou, ainsi que les Nombris, ce sont deux séries à prime abord qu'on peut considérer grand public, rigolo, etc., avec des gags, tout ça. Et tu te rends compte qu'il y a une certaine épaisseur, et au fil des albums, ça gagne en profondeur psychologique, les personnages vieillissent, et on amène progressivement une dimension de plus en plus dramatique dans ces deux séries-là. Alors, tu vois, on parle d'une même série par les mêmes auteurs, et puis déjà, on a une évolution, déjà, on a une espèce de joyeux mélange de tons. Il peut y avoir différents tons dans une même série. Fait que c'est sûr que là, y a des trucs qu'on tombe carrément dans l'action, mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que il y a à la fois beaucoup de diversité et en même temps, il y a comme un liant, un espèce de ciment qui lie tout ça, qui donne une espèce de cohésion, et c'est la féminité qui est toujours présente. Et de l'enfance à l'adolescence, ça permet aussi, on pense à des séries comme Mafalda ou Marzi, justement, que tu mentionnais, où on a un regard particulier. En fait, l'enfance permet un regard particulier sur les événements politique, sur des événements sociaux qui se passent, et donc ça devient un ressort aussi pour l'auteur, pour passer des idées, des réflexions, des perspectives. Oui, parfois en filigrane, comme Mafalda, disons que c'est sûr que Mafalda, on oublie un petit peu que Mafalda, ça date d'il y a longtemps. Elle célèbre ses 50 ans, mais nous, on l'a découvert en français tout au long des années 80. Ça a été un gros succès, particulièrement au Québec. Mais il se trouve que ça faisait déjà longtemps que ça paraissait plus. Alors, Mafalda a paru là, de 1964, donc jusqu'au début, milieu des années 70, puis c'était fini. Ça a duré 10 ans. Hein. C'est comme les Beatles, 10 ans, puis c'était fini. Et c'était quand même avant les dictatures, les régimes des colonels, mais quand même, c'était tout de même, je pense, un climat où on se permettait pas de dire ce qu'on voulait. Et puis, c'est pour ça que Kino y allait de façon assez subtile. Mais sinon, oui, c'est bien parce que c'est comme si c'était un regard d'enfant sur quelque chose de plus grand que lui, sur le monde qui l'entoure. Et puis c'est sûr que l'enfant, il va pas te dire bon, voici, je vais dire ce que je pense du régime politique actuel. Mais c'est comme si le régime politique teinte l'enfance, la teinte de gris ou d'une espèce d'ombre, et ça, on le sent, puis c'est intéressant. Et parallèlement, dans un tout autre registre, j'imagine qu'on plonge aussi à un moment dans les récits de romance, dans les récits d'autofiction, etc. Ben, c'est un genre, une mouvance qui est vraiment en plein essor, qui est très populaire. Alors, c'est ce qu'on appelle la chick lit en littérature, qui est un terme que je déteste, là. Mais c'est sûr qu'en BD, ben il y en a beaucoup. Et on pense au Québec à La Célibataire d'India Desjardins. Et moi, un petit peu comme pour le cas de La Fille Indigne, je salue ce phénomène-là de gens qui sont des conteurs, qui sont des auteurs, qui ont des propos, qui ont des idées et qui viennent d'univers complètement différent et qui sont tentés, attirés par le médium bande dessinée, qui s'allient à un dessinateur de BD et qui viennent enrichir la production. Donc, moi, je salue toutes ces initiatives-là où des écrivaines ou des blogueuses s'en viennent faire de la BD. La Célibataire. Ensuite, une série pour ce que la romance là, qui s'appelle Les Cœurs Boudinés, qui est tout à fait adorable, qui met en scène plusieurs personnages féminins qui ont un point commun, c'est-à-dire qu'elles font de l'embonpoint, et puis elles vivent avec soit leur complexe, ou alors elles sont bien dans leur corps, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui vient teinter, qui vient caractériser cette série-là. Elles sont un petit peu rondes. Et, mais il paraît que les hommes préfèrent les rondes. La mouvance de la chiclite, ça se nourrit beaucoup de l'autofiction, puis ça va être tantôt plus romantique, mais tantôt ça va être carrément satirique avec des fois un petit peu des deux, mais des fois la romance prend vraiment le bord, là. Alors tout ça, ben il y a évidemment, on pense dans les nouvelles auteurs de la nouvelle génération qui sont hyper populaires, là, Margot Motin, Pénélope Bayeux, Hélène Brulaire, qui est un petit peu plus grinçante, un petit peu plus, ça graphine un peu plus dans son cas. Il y a Eva Rollin, qui est installée au Québec depuis plusieurs générations avec sa série Mademoiselle. Il y a des aînés qui sont là depuis très longtemps, comme Claire Bretéché, Florence Questac ou Lynn Arsenault au Québec. Donc, satire, romance, parfois les deux. Puis ça, on va bien se bidonner. Je pense que les gens vont adorer cette partie-là. Là. Et en terminant, Michel Giguère, il nous reste à peu près un petit 2 minutes. Évidemment, on parle de sujets légers, on parle d'humour, mais aussi les auteurs et les thématiques féminines peuvent nous amener vers des sujets qui sont beaucoup plus délicats, beaucoup plus sensibles. Tu dis oui. Écoute, les filles mères et l'adoption, l'avortement, la santé mentale en général, les abus sexuels, le cancer, l'homosexualité, on va aborder tout ça à travers des BD françaises, américaines, japonaises, québécoises, par exemple, il va y avoir Zviane, on va parler de Jane le Renard et moi, de La Fille Invisible, et puis on va aussi parler d'une lecture que je viens de faire il n'y a pas très longtemps, ça fait beaucoup jaser cette année, Chloé Cruchaudet, la française, qui a publié Mauvais Genre, Grand Prix de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, et Prix du public à Angoulême en 2014. Écoute, là, on aborde vraiment des choses qui, sans être lourdes, sont justement sérieuses, délicates, et c'est bien de voir des femmes aborder ces sujets-là avec leur sensibilité propre. Alors, c'est ce qu'on va découvrir. En fait, je pense que la table est bien mise. Ça nous donne l'idée des univers qu'on va aller explorer avec toi, avec planches, évidemment, projetées, avec ta verve également pour nous accompagner au fil de ces planches-là. Je rappelle aux auditeurs, auditrices, en fait, c'est mercredi prochain. Donc, c'est à 19h à la bibliothèque Gabriel-Leroy, la salle Gérard Martin au deuxième. C'est entièrement gratuit. On se présente sur place et on en profite tout simplement. Et on n'a pas besoin de réserver. Et puis, écoute, cet automne, là, j'avais vu des nouveaux visages, beaucoup de femmes qui sont pas nécessairement des bédéphiles. Je les invite, je les espère. Revenez ou venez pour la première fois, même si vous n'êtes pas des maniaques de BD, là. On est là pour ouvrir les esprits, pour vous donner le goût. Ben Michel Giguère, merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir. Puis à très bientôt. Salut Raymond. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis un bon week-end sur les ondes du 89.1 CKRL. Week-end qui débute avec Salt Finger dans quelques instants.